Quoi ? Commuer une peine, laisser à un coupable la chance du remords et de la réconciliation, substituer au sacrifice humain l'expiation intelligente, ne pas tuer un homme, cela est-il donc si malaisé ? Le navire est-il donc si en détresse qu'un homme y soit de trop ? Un criminel repentant pèse-t-il donc tant à la société humaine qu'il faille se hâter de jeter par-dessus le bord, dans l'ombre de l'abîme, cette créature de Dieu ? Guernesiais. La peine de mort recule aujourd'hui partout et perd chaque jour du terrain. Elle s'en va devant le sentiment humain. En 1830, la Chambre des députés de France en réclamait l'abolition, par acclamation. La Constituante de Francfort l'a rayée des codes en 1848. La Constituante de Rome l'a supprimée en 1849. Notre Constituante de Paris ne l'a maintenue qu'à une majorité imperceptible. Je dis plus, la Toscane, qui est catholique, l'a abolie. La Russie, qui est barbare, l'a abolie. Au Tahiti, qui est sauvage, l'a abolie. Il semble que les ténèbres elles-mêmes n'en veulent plus. Est-ce que vous en voulez, vous, homme de ce bon pays ?